regarde le ciel d'un blanc qui éblouit. Je crois que c'est un rêve, la pluie s'est transformée en neige. La chaleur de l'hiver est dans la cheminée. Tu éclaires le ciel, la nuit, je ne fais que d'y penser. Mais quand Noël viendra, tu seras toujours là. Dans nos rires aux éclats, chaque seconde près de moi. Mais quand Noël viendra, toujours une place pour toi. La magie sera là, tous les ans c'est comme ça. Dansons jusqu'à la nuit, il est tard, je le sais. Mais le ciel endormi nous prie de rester éveillés. Le parfum, je le sens, du sapin scintillant. La magie est toujours là, jamais, jamais elle s'en ira. Chaque seconde près de moi. Mais quand Noël viendra, toujours une place pour toi. La magie sera là, tous les ans c'est comme ça. Une étoile dans le ciel, elle scintille et puis m'appelle. Qu'il est froid cet hiver, je respire le grand air. Tu me donnes des ailes.